بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سسخا ندخل dernier assise du tour de la réplique de son éminence Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى à Mohamed Saïd Lbouthi, Ramadan Lbouthi, et nous allons entamer directement, ou nous allons commencer à parler directement de la 33e critique, car la 32e est un peu compliquée, donc je la passe pour ne pas vous perturber. Donc je vais directement à la 33e critique. في صفحتي 191 192 يؤيد عقد حلقات الصوفية التي يسمونها حلق الذكر ويزعم أنه ليس هناك ما يمنع من إقامتها ويقول إن الذكر مشروع. À la 33e critique, à la page 191-192, Ramadan al-Bouti, comme le rapporte le cheikh ici, il dit, il est avec le fait de, et il fait l'éloge au fait de faire des cercles d'invocation que connaissent les soufis comme dans le mouvement soufi. Ce qu'ils prétendent, les assises d'invocation. Et il prétend qu'il n'y a rien qui puisse l'interdire. Et que le fait de faire l'invocation, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de légiféré. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله ونحن نجيبه عن ذلك ونقول له الذكر لا شك أنه مشروع لكن على الصفة الواردة في الكتاب والسنة. الشيخ الفوزان de lui dire, nous répond à Ramadan al-Bouti, on lui dit le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute qu'il est légiféré, mais il doit être fait comme il est annoncé dans le livre et dans la sunna, conformément au livre et à la sunna. Amma ihdathu hay'atin lidh-dhikr la dalil 'alayha كالذكر الجماعي أو الأوراد الصوفية التي ليس عليها دليل أو ربما يشوبها شيء من الأفاد الشركية فهذه لا شك أنها بدعة. Il dit حفظه الله تعالى contre le fait de faire exister des formes d'invocation sur lesquelles on n'a aucune preuve, d'innover des formes d'invocation sur lesquelles on n'a aucune preuve, comme l'invocation en synchro, en groupe. Et comme tout l'aurad sofia, tout ce qui s'invoque chez les sofis, les textes qu'ils disent, sur lesquels il n'y a aucune preuve, peut-être que dans ces textes, il y a des expressions dans lesquelles il y a de l'associationnisme, il y a dit, il n'y a aucun doute que ceci est une innovation. Il dit, et il dit, ceux qui agissent ainsi, qui font ce genre d'assises, de dhikr, et c'est des innovateurs. داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Et il dit, ils rentrent dans la parole du prophète, ils sont concernés par la parole du prophète عليه السلام, qui dit celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, il lui est rejeté. يقول والشيء قد يكون مشروعا في اصله لكن الصفه التي يؤدى بها اذا لم يكن عليها دليل فهي بدعه. Et il dit, Habibullah Ta'ala, que la chose est légiférée en elle-même, à l'origine, il est légiféré. Mais la façon dont on l'a fait, il n'y a aucune preuve là-dessus. Donc, il devient une innovation. C'est-à-dire, c'est le comment qui va faire que cette chose va devenir, c'est le comment qui est une innovation. يقول وقد انكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الذين يجتمعون في مسجد الكوفة وفيهم رجل يقول سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة لأن هذه الصفة ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Il nous rapporte, il nous dit que Abdullah ibn Mas'ud a blâmé ceux qui se réunissaient dans une des mosquées de Koufa et au milieu d'eux ils se forment en cercle et au milieu d'eux il y a un homme qui est au milieu, qui dit, dites subhanallah 100 fois, dites Allah Akbar 100 fois, et il dit aux autres, dites la ilaha illallah 100 fois. Il dit, il n'y a aucun doute que ça, c'est une façon de faire qui ne fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ التعقيب الرابع والثلاثون, la 34e réplique, في الصفحات 193 و195 شن على الذين ينكرون ذكر الله بالاسم المفرد الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه وجه إليه قذائف غضبه ولم يصغ إلى حجج المذكورين، ومنها أن ذكر الله بالاسم المفرد لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي السلف الصالح، علاوة على أنه لا يفيد شيئا، لأن الاسم المفرد لا يأتي بفائدة حتى يتركب مع جملة مفيدة. Et Cheikh Al-Fawzan de dire que Ramadan al-Bouti à la page 193 et à la page 195, hein, il a blâmé, ou il a attaqué ceux qui rejettent le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec un seul nom, avec juste en disant Allah. Et parmi ceux qui blâment le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant tout simplement le terme Allah, il y a Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et Ramadan al-Bouti, il a tous ses missiles de colère, il les a orientés vers Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et il n'a pas écouté les preuves de ceux, hein, qui blâment ce genre d'invocation. Car le fait d'invoquer Allah avec le nom singulier comme ça, il n'a pas été rapporté le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans le livre, ni dans la sunna, le fait de dire Allah, Allah, ni dans la voix des pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim. En plus de ça, ça ne veut rien dire, car le nom tout seul, il ne ramène pas quelque chose, une signification, hein. Il n'y a pas quelque chose à retenir dedans jusqu'à ce qu'il soit contenu dans une phrase. C'est-à-dire, il faut Allahu al-Alim, Allahu al-Qadir, hein, Allah comme ça, c'est pas une forme d'invocation qui est légiférée. Et en plus de ça, Cheikh, il dit, Abdallah, que ça n'a aucun sens. Ça ne donne pas de sens. Hein? Mais par exemple, si on dit Allahu al-Alim, ça c'est différent. On attribue à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de la science. Allahu Qadir, on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. يقول وما يزعم الدكتور أن ذكر الله بالاسم المفرد يدخل في قوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Il dit, est-ce que prétend docteur Bouti que invoquer Allah avec le nom comme ça tout seul rentre dans le verset qui dit et invoque le nom de ton souverain matin et soir. يقول الشيخ الفوزان فنحن نسأله ونريد منه الصدق في الجواب دون مراوغة. Il dit maintenant, Cheikh الفوزان dit, nous lui posons la question et nous voulons qu'il soit véridique dans sa réponse. Et nous ne voulons pas d'esquive dans la réponse. هل ولد في سنة من أمره في سنة من أمره الله بهذا الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله بالاسم المفرد إذ لا شك أن سنته تفسر القرآن. Il dit حفظه الله تعالى, est-ce que la question qu'il pose à Bouti, est-ce que il a été rapporté, hein, dans les paroles de celui qui a ordonné à الرسول صلى الله عليه وسلم cet ordre, qui lui a dit invoque ton souverain par son nom matin et soir, est-ce que dans la sunna de celui qui a reçu cet ordre, il a dit ou il a annoncé qu'il faut dire Allah tout seul comme ça? Car il n'y a aucun doute que la sunna du prophète sallam explique le Coran. يقول أو أن هذا من محدثات الصوفية وفهمه مستقيم. Il dit, ou alors ça fait partie des innovations des sophies et de leur stérile compréhension. يقول وكثيرا ما يكرر الدكتور أن المخالف في هذه المسألة وغيرها لا يضلل. Il dit, et combien de fois répète le docteur, c'est-à-dire le Bouti, que celui qui est en divergence à ce niveau-là, à ce sujet-là, et dans d'autres sujets, on décrète pas son égarement, on dit pas qu'il est dalle. يقول ونحن نقول له إن المخالف لا يضلل إذا كان لمخالفة مأخذ من النصوص الشرعية. Et Cheikh Al-Fawzan lui dit, celui qui est en divergence, on ne dit pas de lui qu'il est égaré si sa divergence, il a une place dans les textes légiférés. أما إذا كانت مخالفته ليست لها مأخذ من الكتاب والسنة فإنه يضلل. Mais si sa divergence n'a aucune place ni dans le livre ni dans la sunna, هذا il n'y a aucun doute qu'il faut décréter son égarement. يقول لأن الله تعالى يقول فما بعد الحق إلا الضلال. Il cite le verset où il est dit qu'est-ce qu'il y a après la vérité sinon l'égarement. يقول الشيخ وما دل عليه كتاب الله حق وما خالفه فهو ضلال يضلل من قال به. Il dit ce qui a été prouvé par le livre d'Allah, c'est la vérité. Et ce qui est en divergence avec ce qu'il y a dans le livre, c'est de l'égarement. Et celui qui le prononce ou qui le dit, il est égaré. Et on décrète son égarement. Yaqul at-taqib al-khamis wa at-talatun, à la 35e réplique, fi safhatay. يبرر اصطلاحات الصوفية التي منها تفريقهم بين الشريعة والحقيقة ولم يجد دليلا والحمد لله لهذا التبرير. Il dit Habidallahu Ta'ala dans la 35e réplique à la page 196-197 du livre d'Al-Bouti, il dit que Al-Bouti trouve des excuses et des raisons pour certaines terminologies soufis, parmi lesquels le fait que les soufis font la séparation entre la législation et la vérité. Et il n'y a aucune preuve là-dessus, il a trouvé aucune preuve, il a louange à Allah. Mais le fait d'agir, il dit que ce soufis, c'est le tustouri, et le halak al-muhasibi, et le junaïd. Et ce n'est pas le cas avec eux, et ils sont avec eux, et ils sont avec. فهو بهذا الاستدلال كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء. Il dit حفظه الله تعالى il بوتي n'a pas trouvé de preuve, il a louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour valider ces expressions soufis, ces terminologies soufis. La différence qui est le fait de faire la différence entre la législation et la vérité. Limite tout simplement ça, ce sont des paroles des grands soufis comme Sahel Tusturi et comme le Harith al-Muhasibi et le Junaïd. Et cher concernant le Junaïd, cher Al-Fawzan, il dit, celui-là je ne crois pas qu'il fait partie d'eux, même s'il l'a mis avec eux. Il dit aussi, il cite aussi Ma'ruf al-Karkhi. يقول فهو بهذا الاستدلاء كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء. Il dit agissant ainsi ou n'ayant cherché des preuves ainsi, c'est comme celui qui a fait beaucoup d'efforts pour prouver l'eau, il a expliqué l'eau par l'eau, c'est-à-dire parce que le beauté il a pris tout simplement comme preuve les paroles du Sophie pour prouver la légitimité de leurs expressions. يقول ثم هل هناك حقيقة تخالف الشريعة حتى يقال الحقيقة والشريعة إلا في اصطلاح الصوفية أن الشريعة للعوام والحقيقة للخواص. وهذا إلحاد واضح وليت الدكتور لم يدخل هذه المجاهل المخفية. Il dit, حفظه الله, Cheikh Al-Fawzan, est-ce qu'il y a une vérité qui est en divergence avec la législation pour dire que la vérité et la législation? Il dit, ceci n'existe que dans les terminologies des soufis, que la législation elle est pour le commun des musulmans et la vérité elle est pour les particuliers. Et ça, c'est de l'athisme qui est clair. Et il dit, ce docteur Al-Bouti n'est pas rentré dans ses ignorances cachées. يقول التعقيب السادس si le docteur n'est pas rentré dans ces ignorances qui font peur المخيفة. التعقيب السادس والثلاثون في الصفحة 201 حتى 212 تحدث عن الصوفية وأحوالهم وأقوالهم وحاول الدفاع عنهم بكل ما أوتي من قوة والاعتذار لهم بكل ما استطاع من عبارة حتى عن من قال منهم ما في الجبة إلا الله وعن من قال منهم ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. Il dit حفظه الله تعالى de la page 201 à la page 212 il parle des sauvés, de leur situation, de leurs paroles, il les défend, il essaye de les défendre par toute la puissance qu'il a. Et il essaie de leur trouver des excuses par tous les moyens, par toutes les expressions. Et il a essayé de trouver des excuses même à ceux qui ont dit « Dans la tunique, il n'y a qu'Allah ». Et il a essayé de trouver des excuses pour celui qui a dit « Je ne t'adore pas par peur de ton feu, ni par espoir en ton paradis. » يقول وبالرغم مما تحمله هاتان العبارتان من كفر وضلال حاول تأويلهما بما لا داعي للإطالة بذكره. Il dit حفظه الله تعالى شيخ الفوزان malgré ce que comportent ces expressions comme mécréance, comme égarement, il a essayé de leur donner des interprétations par des voies qu'il ne faut pas citer, et c'est trop long de les citer. يقول لأن هاتين العبارتين تنبئاني عن نفسهما ولا تقبلاني التأويل. Il dit car ces deux expressions, elles-mêmes t'annoncent ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'interprétation à leur chercher. فإن قول القائل ما في الجبة إلا الله صريح في الحلول أو الاتحاد. Car quand la personne dit dans la djellaba ou là dans la tunique il n'y a qu'Allah, ceci est clair. Donc qu'il prononce que l'aqida du hulul, comme quoi Allah est avec sa créature, c'est la même chose. Ou Allah est dans sa créature. وقوله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك مخالف لهدن الأنبياء. حيث وصفهم الله بأنهم يدعونه رغبا ورهبا ومخالف لصفة المؤمنين الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا يعني هذا أنهم لا يعبدونه إلا من أجل الخوف والطمع فقط بل هم مع ذلك يحبون حبا شديدا ويذلون له كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولا تصح العبادة إلا باستكمال هذه الأركان المحبة والذل والخوف والرجاء. Il dit حفظه الله تعالى كنت la parole je t'ai pas adoré par peur de ton feu ni par espoir en ton paradis. Il dit ceci est contraire à la voix des prophètes alayhi salatu salam, car tous Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme quoi ils lui demandent par envie et par peur. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala par envie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et par peur aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ceci aussi, cette parole est contraire aux attributs et à l'attribut des croyants qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala par peur et par espoir. Et il dit حفظه الله تعالى, cela ne veut pas dire qu'ils adorent tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala par peur et par envie tout simplement. Non, en plus de ça, ils l'aiment d'un amour très fort. Ils sont humbles devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se font petits devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le verset. Et ceux qui ont cru sont d'un amour très fort pour Allah. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala amènera des gens qu'il aimera et eux ils vont l'aimer. Et cher de nous dire, l'ibada ne peut être complète qu'avec ses piliers, avec l'amour, avec le fait d'être humble et petit et pauvre devant Allah, et avec le fait d'avoir peur d'Allah et d'avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ثم حاول الدفاع عن أبي عربي وما في كتبه من القول بوحدة الوجود في هامش صفحتين أو أربعة إلى مئة أو خمسة. قال إنه لا يجوز تكفيره بموجب كلامه الذي فيه الإلحاد الصريح حتى يعلم ما في قلبه هل يعتقد ما يقول أو لا. انتهى كلامه. الشيخ الفوزان de nous dire que le Bonté, il a essayé de défendre par tous les moyens Ibn Arabi à l'indéfini, pas Al-Arabi, c'est un grand imam, et un grand exégète, et un grand savant du Malikiya. Ibn Arabi, à l'indéfini, sans l'article, le Bonté, il a essayé de le défendre par tous les moyens. Alors que dans les livres d'Ibn Arabi, il y a l'unicité de l'existence, et Allah et la créature sont identiques. Et à la marge de la page 104 et 105, il a dit, il n'est pas permis de le rendre mécréant parce qu'il dit, tout simplement parce que ce que impliquent ces paroles qui sont de l'athéisme clair, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a dans son cœur et ce qu'il croit ou il ne croit pas ce qu'il dit. يقول الشيخ الدكتور الفوزان حفظه الله ولو صح قول الدكتور هذا ما كفر أحد بأي قول أو فعل مهما بلغ من القبح والشناعة والكفر والإلحاد حتى يشق عن قلبه ويعلم ما فيه من اعتقاد. وعلى هذا فعمل المسلمين على قتال الكفرة وقتل المرتدين خطأ على لازم قول الدكتور، لأنهم لم يعلموا ما في قلوبهم وهل هم يعتقدون ما يقولون وما يفعلون من الكفر أو لا. إيه il dit, Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, pour répliquer à cette erreur, il dit, si la parole de Al-Bouti est vraie, on remplit mécréant qui que ce soit, tout un chacun qui aura prononcé la mécréance ou fait la mécréance, personne ne pourra le rendre mécréant. Tout un chacun qui est tombé dans l'athéisme et dans la grande mécréance, etc., personne ne va pouvoir le rendre mécréant jusqu'à ce qu'on ouvre son cœur et qu'on sache s'il croit ou là il ne croit pas. Il dit, partant de là, ça veut dire que les œuvres des musulmans et ce qu'ils ont fait les musulmans en combattant les mécréants et en combattant et en tuant les apostats est une erreur selon la parole du docteur Al-Bouti. Car ils n'ont pas su ce qu'il y a dans leur cœur, et ce qu'ils croyaient dans la mécréance dans laquelle ils sont tombés ou pas, ou dans la mécréance qu'ils ont dite ou qu'ils ont accomplie ou pas. يقول واستمع إلى عبارته في ذلك حيث يقول وخلاصة القول وخلاصة المشكلة أنه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يقلده في نهجه يظلون يأخذون ابن عربي وأمثاله بلازم قوالهم دون أن يحملوا أنفسهم على التأكد من أنهم يعتقدون فعلا ذلك اللازم الذي تصوروه. الشيخ de nous dire écoute son expression en ce qui concerne ce point. Il a dit et le résumé du problème c'est que il veut dire, il fait allusion ici à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et ce qu'il imite dans sa voix, qui ne cesse de dire qu'Ibn Arabi, il est similaire à Ibn Arabi, et qui ne cesse de prendre Ibn Arabi, il est similaire d'Ibn Arabi, ils les prennent directement, ils les jugent à travers leurs paroles, sans aller chercher s'ils croient à ce qu'ils disent ou pas. Est-ce que ce qu'ils disent, ça implique ce qu'ils se sont imaginés ou pas? ثم قال إما أن يكون في كتب ابن عربي كلام كثير يخالف العقيدة الصحيحة ويوجب الكفر فهذا ما لا ريبة فيه ولا نقاش فيه، وإما أن يدل ذلك دلالة قاطعة على أن ابن عربي كافر وأنه ينطق في فهم الشهود الذاتي من أصل كفري هو نظرية الفيض فهذا ما لا يملك ابن تيمية ولا غيره أي دليل قاطع عليه. انتهى كلامه. إيه الشيخ de nous citer encore des énormités de Ibn Arabi en disant, il dit, soit alors dans les livres d'Ibn Arabi, il y a beaucoup de paroles qui sont en divergence avec les croyances authentiques qui impliquent la mécréance. Il dit, ça y a aucun doute, on ne va pas le discuter. Ou alors, qu'il y a une preuve irréfutable comme quoi Ibn Arabi est mécréant, comme quoi il y a que ceci prouve d'une preuve irréfutable qu'on croit Ibn Arabi est mécréant et qu'il part de la compréhension shuhud dati d'un fondement de mécréance et d'une théorie de l'faïd, c'est le jaillissement sur le cœur. Il dit ça, Ibn Taymiyyah ne pourrait pas le savoir. Ni Ibn Taymiyyah ni quelqu'un d'autre ne pourrait le savoir. Et le faïd, les sophiens, ils parlent toujours du faïd, c'est-à-dire qu'ils reçoivent de la lumière qui jaillit dans leur cœur, etc., etc. Donc, ishoud dhati, je ne sais pas ce que ça veut dire dans la terminologie des sophies. Et après le Cheikh Al-Fawzan, on... وإنما سقت هذا المقطع من كلامه لإطلاع القارئ على ما فيه من تخبط وتناقض ومناقضة لأدلة الكتاب والسنة وعمل المسلمين على كفر من قال كلمة الكفر غير مكره قال تعالى قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الشيخ الفوزان دو دير مي جي رامني سو باساج دو لا بارول دو البوتي بور فير مونتري ا او ليكتور comment le beauté, le patoge et les contradictions qu'il a et ses contradictions qu'il a avec le livre et avec la sunna et avec les œuvres du musulman, que celui qui tombe dans la mécréance, qui dit une parole de mécréance sans en être contraint, il l'est. Il cite le verset, ils ont dit la parole de la mécréance, ils ont mécru après leur islam. يقول ويلزم من هذا أيضا أنه لا يحكم بإسلام كافر إذا نطق بالشهادتين حتى يعلم ما في قلبه هل يعتقد أو لا ولوازم هذا كثيرة ويلزم عليه أن من دعا غير الله لا يكفر حتى يعلم ما في قلبه Il dit, حفظه الله تعالى, les paroles, les raisonnements de Al-Buti impliquent aussi, on ne peut pas décréter l'islam d'un mécréant alors qu'il a prononcé les attestations jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il a dans son cœur, est-ce qu'il y croit ou pas. Il dit, et les implications pour ceci sont nombreuses. Hein? Il dit, cela implique aussi que celui qui demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ne m'y croit pas jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a dans son cœur. يقول ثم اعتذر عن ابن عربي بأن في كتبه كلاما آخر يناقض كلامه الكفري. Et après, Cheikh Al-Fawzan il dit, et le Bouti, il a cherché des excuses. Il s'est excusé pour Ibn Arabi et qu'il dit que dans ses livres, il y a aussi des paroles qui sont en contradiction avec ses paroles de mécréance. يقول ونحن نقوله إجابة عن ذلك هل ثبت لديك أنه رجع عن كلامه الكفري وأنه كتب هذا الكلام الذي يناقضه بعدما تاب أو أنه كتبه من باب التغطية والتلبيس ثم أنت لم تأتي بشاهد على ما قلت من كلامه. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, de lui dire, nous te demandons, hein, pour répondre à ce que tu viens de dire, est-ce qu'il t'a été confirmé qu'il est revenu sur, que Ibn Arabi est revenu sur ses paroles de mécréance? Ou alors, il a écrit ses paroles, hein, qui sont en contradiction avec la mécréance, après qu'il s'est repenti, ou alors il les a écrits tout simplement pour déguiser la situation et pour cacher la situation? Et il lui dit, et toi tu n'as ramené aucune preuve de ce que tu as avancé comme parole. C'est-à-dire le Bouti n'a ramené aucune preuve et aucun témoignage sur les paroles qu'il a dites concernant pour trouver des excuses à Ibn Arabi. يقول ثم قال وإذا أبى ابن تيمية رحمه الله إلا أن يحملنا على تكفير ابن عربي استدلالا بالكفريات الموجودة في كلامه والإعراض عن الصفحات الطوال التي تناقضها وترد عليها في مختلف كتبه وأقواله فإنها لدعوة منه بلا ريب إلى أن نكفره هو الآخر استدلالا بالضلالات الفلسفية التي انزلق فيها. Et le Bouti continue de dire, il dit comme tu as la haine qu'il a pour Ibn Taymiyyah. Parce que dans son livre, comme il l'a cité Cheikh Al-Fawzan auparavant, il a une grande haine pour Ibn Taymiyyah et pour cette école du monothéisme. Et il dit ici, pour ce qu'elle te montre la haine qu'il a contre Ibn Taymiyyah al-Bouti, il dit ici, Ibn Taymiyyah refuse, que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, que il nous impose la mécréance d'Ibn Arabi en prenant comme preuve hein, les mécréances qui sont dans ses paroles, dans ses écrits, et qu'il met de côté les grandes pages dans lesquelles il y a la contradiction de cette mécréance, et en ce qui concerne ses paroles et ses écrits, dans ces cas-là, ça c'est une da'wa de la part d'Ibn Taymiyyah sans aucun doute pour le rendre mécréant aussi, en prenant les égarements philosophiques dans lesquels il a glissé. A'oudou billah. ويعني بذلك المسألة التي سبق ذكرها وهي قول الشيخ إن أفعال الله سبحانه ليس لها بداية. Il veut dire par ça le sujet qui est passé auparavant où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى il dit que les œuvres d'Allah سبحانه وتعالى n'ont pas de début. يقول الشيخ الفوزان pour répliquer ونقول يا سبحان الله هل وصف الرب بما يستحقه من الكمال بدوام أفعاله وكماله أزلا وأبدا وتنزيه عن التعطيل الذي وصفه به أهل الضلال من قولهم إنه تعالى الله عما يقولون مضى عليه وقت لم يفعل شيئا ثم حدث له الفعل بعد ذلك هل هذا هو قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الخالق إن الضلال هو قول من يعطل الله من أفعاله ويضرب له مدة لا يفعل فيها شيئا كما هو قول علماء الكلام. Il dit حفظه الله تعالى gloire à Allah est-ce que celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs complets qu'il mérite, comme il sied à sa grandeur, en disant comme quoi les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaites, ils n'ont pas de début et ils sont éternels, et qu'il exempte Allah subhanahu wa ta'ala des choses que lui attribuent les gens de l'égarement, qui disent, et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ça, ils disent qu'il y a un temps où Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien fait, et après il a fait quelque chose. Il y a un temps où Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien fait, et après il a innové, et il a fait un acte, et il a fait naître des actes. Est-ce que ça c'est la parole des philosophes qui disent, eux, l'ancienneté du monde et qui nient le créateur? Et il dit, l'égarement, Cheikh Al-Fawzan de dire, l'égarement certes c'est le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu un laps de temps où il n'a rien fait. Comme le disent les savants de la spéculation au niveau de la parole, ilm al-kalam. Yaqul, Cheikh Al-Fawzan, wa inna qawla ibn Taymiyyah huwa al-haq, wa qawlu ahli al-haq. Et Cheikh Al-Fawzan de dire la parole de Ibn Taymiyyah c'est la vérité et c'est la parole des gens de la vérité. Où est son erreur? Yaqul wa ayna khata'uhu law kana khata'an 'ala fard min kufriyat Ibn Arabi wa qawlihi bi wahdat al-wujud wa anna man 'abada al-asnam ma 'abada illa Allah. Il dit, où est donc l'erreur de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah? Supposons que erreur il y a, son erreur par rapport aux mécréances d'Ibn Arabi qui a dit, qui décrète la croyance de l'unicité de l'existence, et que celui qui adore le statut, c'est il a adoré Allah. Où il est celle-ci par rapport à l'erreur d'Ibn Taymiyyah? Supposons que l'erreur il y a eu, comme il a dit Cheikh Al-Fawzan ici. يقول ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينفرد بتكفير ابن عربي بل قد كفره كثير من العلماء حتى من الصوفية. Il dit, Habidallah, et encore, et en plus de ça, c'est que Cheikh l'Islam, c'est pas le seul qui a fait, qui a décrété la mécréance d'Ibn Arabi. Même les savants, beaucoup de savants l'ont fait mécréant, même des soufis l'ont fait mécréant. يقول وقرا مؤلفاتهم في ذلك ومنها كتاب تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي للبقاعي وغيره من الكتب وللشيخ تقي الدين الفاسي رساله مستقله في تكفير ابن عربي وذكر من قال بذلك من العلماء وهي مطبوعه متداوله فاذا كان بامكان المبطل ان يكفرهم فليفعل. Il dit, il lit leur livre concernant la mécréance de Ibn Arabi. Il dit, parmi ses livres, attirer l'attention du rabbi vers la mécréance, sur la mécréance d'Ibn Arabi. Et c'est un livre qui parle Bukhari et d'autres livres. Et il dit, Cheikh Taqi Dil Fasi, il a une risala dans laquelle il fait la mécréance d'Ibn Arabi et dans laquelle il cite les hommes de science qui ont décrété sa mécréance. Et cette risala, il est édité et il se trouve dans les librairies. Et il dit, si le beau est maintenant, il peut les rendre mécréants tous, qu'il le fasse. Yaqul التعقيب السابع والثلاثون في صفحة 236 كتب عنوانا بلفظ التمذهب بالسلفية بدعة. وهذا الكلام يثير الدهشة والاستغراب. كيف يكون التمذهب بالسلفية بدعة والبدعة ضلالة؟ وكيف يكون بدعة وهو اتباع لمذهب السلف واتباع مذهبهم واجب بالكتاب والسنة وحق وهدى؟ قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. Et à la page 236, il a écrit un titre dans l'expression de ceci. Tamadhub bi salafiyya, c'est une bid'a. Le fait de prendre la voie des salaf, c'est une innovation. Il dit, et Cheikh Al-Fawzan de dire, ceci attire l'étonnement. Ceci est étrange et attire l'étonnement. Comment prendre la voie des salafs peut être une innovation, alors que l'innovation est un égarement? Comment le fait de suivre la voie des salafs peut être une innovation, alors que le fait de suivre leur voie, c'est une obligation? Il est obligatoire par le livre et par la sunna. Et c'est une vérité. Et s'il a guidé, et il est dit dans le verset, il est premier parmi les immigrants et les alliés de Médine et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث فالتمذهبوا بمذهب السلف سنة وليس بدعة وإنما البدعة التمذهب بغير مذهبهم. Il dit aussi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, comprenez une voix, ma voix et la voix du khalif bien guidé, le hadith. Il dit, le fait de prendre la voix des salafs, c'est une sunnah, ce n'est pas une innovation. Mais l'innovation, c'est le fait de prendre une autre voix que la voix des salafs. يقول وإذا كان قصده أن التسمي بهذا الاسم حادث كما يظهر من كلامه ولم يكن معروفا من قبل فهو بدعة بهذا الاعتبار فمسألة الأسماء أمرها سهل والخطأ فيها لا يصل إلى حد البدعة. Il dit ici son but maintenant, c'est ce qu'il veut, c'est le fait de s'appeler avec ce nom, c'est quelque chose de nouveau. Comme il apparaît dans ses paroles et qu'il n'était pas connu auparavant, que ça c'est une innovation à ce point-là. Il est cher de dire, le problème des noms, le sujet des noms, c'est quelque chose de facile. Et le fait de tomber dans une erreur en se donnant des noms n'amène pas à la limite de la bid'a. Il n'amène pas à, au fait de dire que c'est une innovation. يقول وإن كان قصده أن في الذين تسموا بهذا الاسم من صدرت عنهم أخطاء تخالف مذهب السلف فعليه أن يبين هذا دون أن يتناول السلفية نفسها. Il dit, s'il veut maintenant que parmi ceux qui s'appellent, qui se donnent ce nom, le nom Salafi, et certains sont tombés dans des erreurs qui sont en divergence avec la voie des Salaf, il doit le montrer sans critiquer directement la Salafia elle-même. يقول فالتسمي بالسلفية إذا كان يعني التمسك بمذهب السلف ونبذ البدع والخرافات فهذا شيء محمود وطيب. Il dit, Hamidallahu ta'ala, le fait de s'appeler salafi et de se donner le nom de la salafia, si ça veut dire le fait de se cramponner à la voix des plus prédécesseurs et de rejeter les histoires à dormir debout et les innovations, ceci est quelque chose de bon et de louable, dit Cheikh Al-Fawzan, Hamidallahu ta'ala. Et là aussi, dans cette phrase, dans ce passage, il y a une réplique à ceux qui disent que Cheikh Al-Fawzan ne voit pas le fait de s'appeler salafi. Hein? Il y a encore un bois, un brindis qui le rentre dans l'œil là. يقول كما قرر هذا هو في الصفحة 233 33 حيث قال عن حركة جمال الدين الأفغاني محمد عبده وتسميتها بالسلفية فقد كان الشعار الذي رفعه أقطاب هذه الحركة الإصلاحية هو السلفية وكان يعني الدعوة إلى نبذ كل هذه الرواسب التي عكرت على الإسلام طهره وصفاءه. Et Cheikh de nous dire, Cheikh Al-Fawzan, comme il l'a confirmé lui-même, à la page, c'est-à-dire le beauté à la page 233, quand il a dit du mouvement de Jamal Din Afghani, qui est plutôt l'Irani, et de Mohamed Abdo, que leur mouvement s'est donné le nom de la Salafia. Et cet emblème qu'ont enlevé les pivots de ce mouvement réformatrice, c'est la Salafia. Et cette Salafia, cette da'wa a voulu, comme il le dit, le beauté, il voulait à cette époque rejeter tout ce qui s'est immiscé dans l'islam et purifier l'islam et ainsi de suite, comme il le dit. يقول الشيخ الفوزان هذا ما قاله عن تلك الحركة وتسميها بالسلفية ولم يعب عليه هذا التسمي نظرا لسلامة أهدافها فنقول له وهل السلفية اليوم تعني غير ذلك. Il dit, حفظ الله تعالى الشيخ الفوزان, c'est ce qu'il a dit de ce mouvement qui s'est appelé Salafi. Et il ne l'a pas dénigré, il ne leur a pas reproché le fait de s'appeler Salafi, parce qu'ils avaient des, soi-disant, des nobles buts. Et on lui dit, est-ce que la Salafia aujourd'hui veut dire autre chose que ça? Bien sûr, la Salafia d'aujourd'hui est tout simplement l'islam pur de toute forme d'innovation. Et va pas croire, frère en Allah Azza wa Jalla, que le mouvement de Jamal Din, l'Afghani, que Mohamed Abdou, c'est un mouvement salafi, abadan akhal islam. Mais ça, c'est juste, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il te ramène les paroles de l'Bouti, il te montre comment il agit avec certains et comment il agit avec les autres. At-taqib 38. وفي صفحة 136 عبر عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بالمذهب الوهابي، وقال إن الوهابية تتبرم من هذه الكلمة لأنها توحي بأنها ينبوع هذا المذهب بكل ما تضمنه من مزايا وخصائص يقف عند الشيخ محمد بن الوهاب، فدعاهم ذلك إلى أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه كلمة السلفية إلى آخر ما قال. إلى 38 كريتيك de la page 236 à 238, il s'est exprimé sur la da'wa du Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, et il a dit de cette da'wa que c'est le madhhab al-wahhabi, c'est la voie wahhabite. Et il a dit que les wahhabites ont délaissé ce nom wahhabi parce que ce nom fait allusion comme quoi ce mouvement ou cette tendance ou cette école avec les particularités qu'il a, etc., son origine et sa source est tout simplement Mohamed Ibn Abdelwahab. Donc ceci les a poussés à délaisser ce nom et de le changer, et de changer le terme Wahhabia avec le terme Salafia. Jusqu'à ce que, ce qu'il est, et jusqu'à la fin de ce qu'il a dit à ce niveau-là. Yaqul, wal jawabun naqul, إن الشيخ محمد بن الوهاب ليس له مذهب خاص به يدعى بالوهابية. الشيخ الفوزان de dire الشيخ محمد بن الوهاب il n'a pas une école de jurisprudence particulière à lui ni une voie particulière à lui qu'on peut appeler الوهابية. لأنه في العقيدة على منهج السلف وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان عليه علماء نجد من قبله وفي عصره ومن بعده وأتباعه يدعون إلى التمسك بمذهب السلف ويسيرون عليه. Et cher de nous dire, Abdallah Ta'ala, car cher Islam Mohamed Abdullah, rahmatullah alayhi, il n'avait pas une école de jurisprudence particulière qui s'appelle Wahhabiya. Car sa aqida était la aqida des pieux prédécesseurs. Et dont le menhaj, il était sur la voie des pieux prédécesseurs. Et dont la jurisprudence, il était sur le madhhab de l'imam Ahmed, sur lequel étaient les hommes de science de son époque. Et avant lui aussi. Et après lui. Et les disciples du Cheikh l'Islam, Mohamed Abdullah, rahmatullah alayh, ils appellent vers le fait de se cramponner à la voie des pieux prédécesseurs. Et ils sont sur la voie des pieux prédécesseurs. يقول الشيخ الفوزان وأنا أطالبه أن يأتي بما يثبت أن الشيخ محمد بن الوهاب أتى بمذهب جديد ينسب إليه وإذا لم يأتي ولن يأتي بذلك فإنه مفترين على الشيخ وعلى أتباعه والله يجزي المفترين. Et Cheikh Al-Fawzan de lui dire, moi je demande Al-Bouthi de ramener quelque chose qui confirme que moi, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, il a ramené une nouvelle école de jurisprudence ou une nouvelle voie qui lui appartient et qui lui soit attribuée. Et s'il ne ramène pas de preuves, il ne pourra pas en ramener, ça veut dire que c'est un menteur. Et qu'il a menti sur Cheikh et sur les disciples de Cheikh, et Allah subhanahu wa ta'ala récompensera les menteurs. يقول التعقيب 39 في صفحة 239 إلى 240 تكلم عن زيارة القبر النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام فقال ولكم اتهمنا واتهم كثير من المسلمين من أهل السنة والجماعة بالابتداع والمروق لأننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الجمهور من علماء السلف وغيرهم بأنه لا ضير في أن يعزم الرجل على زيارة كل من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده كذا قال. Et à la page, la 39e critique concerne la page 239-240, le Bouthi a parlé de la visite de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit, combien on a été accusés, et beaucoup de musulmans ont été accusés parmi les gens de la sunna, d'être des innovateurs et d'être sortis de l'islam. Car nous sommes allés vers la voie vers laquelle était la majorité des hommes de science parmi les pieux prédécesseurs et d'autres qui voient qu'il n'y a aucun mal de voyager pour visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam et sa mosquée. يقول الشيخ الفوزان والجواب أن نقول إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر سنة وليست بدعة ولم يقل أحد إنها إذا كانت على هذه الصفة فهي بدعة ومروق. إلى غيبليك دو الشيخ الفوزان يلدي quand la visite de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam se fait sans faire le voyage spécialement pour elle, sans avoir fait le voyage spécialement pour visiter la tombe, ceci est une sunna. Et ce n'est pas une innovation. Et personne n'a dit que la visite se faisant ainsi, visiter la tombe du prophète sans avoir fait le voyage spécialement que pour ça, que ceci est une bid'a ou là se fait sortir de la religion. Amma safar li ziyarati qabri sallallahu alayhi wa sallam fa huwa bid'a. Quant au voyage spécialement pour visiter la tombe du prophète, c'est une innovation. Car il n'est pas permis d'aller visiter, de voyager pour visiter les tombes. La qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la qabr ghayruhu min al-awliya'i wa s-salihin wa al-aqarib. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la tushaddu al-rihal illa ila thalati masajid, al-masjid al-haram, wa masjidi hadha, wa al-masjid al-aqsa. Et parce qu'il n'est pas permis de voyager spécialement pour la visite des tombes, ni la visite ni la tombe du prophète alayhi salatu wasalam, ni la tombe de autre que le prophète alayhi salatu wasalam, parmi les vertueux et parmi les awliya et parmi les proches et autres. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, on prend pas le voyage, on fait pas son pactage pour le voyage que pour trois mosquées. La mosquée sacrée qui est la mosquée de la Mecque, et la mosquée de Midi, la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam, et le masjid al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem. Yaqul, وعملا بهذا الحديث لم يكن السلف والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم يسافرون من أجل زيارة القبور. Il dit, partons et mettons en application ce hadith, les pieux prédécesseurs et les quatre imams et autres parmi les grands imams qui sont pris comme modèle, ne voyagez pas pour la visite des tombes. Ne voyagez pas pour la visite des tombes. يقول وقد أوغل الدكتور في الخطأ حين ادعى أن مذهب الجمهور من علماء السلف وغيرهم أنه لا ضير في أن يعزم الرجل على هذا فإن كان قصده العزم على السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلماء السلف ينهون عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من السفر لزيارة القبور عموما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. Il dit, et Cheikh, et docteur Bouti est tombé et s'est enfoncé dans l'erreur quand il a prétendu que la voix de la majorité des hommes de science, des pieux prédécesseurs et autres, voyez qu'il n'y a pas de mal à prendre la résolution à voyager ainsi vers la tombe du prophète. Il dit, si son but c'est voyager pour la visite de la tombe du prophète, les hommes de science de la voix des pieux prédécesseurs l'ont interdit. Ils ont interdit ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de voyager pour visiter les tombes en général. La tombe du prophète alayhi wa sallam ou autre. يقول ثم إن الدكتور خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بالحديث المذكور على منع السفر لزيارة القبور وسماه غلطا عجيبا وانزلق فيه الشيخ حيث قال ويترتب على هذا الغلط العجيب الذي انزلق فيه ابن تيمية يرحمه الله أن الإنسان لا يجوز له أن يشد الرحلة إلى زيارة رحمين أو إلى طلب علمين أو إلى انتجاع رزقين لأن هذه الأشياء كلها خارج المسجد الثلاث. Et Cheikh Fawzan de nous dire, en plus de ça, docteur a dit que Cheikh l'Islam a fait une énorme erreur en prenant le hadith du prophète alayhi salam qui dit, faut pas, le voyage ne se fait que vers trois mosquées. Il dit, partons de là, Cheikh l'Islam, il prend ce hadith, donc partons de là. Le hadith, il concerne l'interdiction du fait de visiter les tombes. Et Bouti, il dit que Cheikh l'Islam est tombé dans une énorme erreur. Et il a glissé dans une énorme erreur. Parce qu'il découle de sa parole, il découle de son erreur extraordinaire dans laquelle il a glissé Ibn Taymiyyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de cette sainte miséricorde, qu'il n'est pas permis à la personne de voyager pour visiter sa famille, ou de voyager pour demander la science, ou de voyager pour chercher sa subsistance, car toutes ces choses ne font pas partie des trois mosquées. Ils sont en dehors des trois mosquées. Ça, ce sont les paroles de Al-Bouti. Ainsi, regarde comment il veut t'induire et te ramener les ambiguïtés. يقول الشيخ ونحن نقول لا بل الغلط العجيب من زلق إليه فهم الدكتور لأن الحديث الشريف يعني منع السفر إلى بقاع مخصوصة لأجل التعبد فيها أو عندها غير المساجد الثلاثة سواء كانت هذه البقاع مساجد أو قبورا أو غيرها. الشيخ الفوزان دي lui dire, nous disons à docteur, mais l'erreur extraordinaire c'est dans laquelle il a glissé la compréhension du docteur. Car le hadith, le noble hadith, il signifie qu'il est interdit de voyager vers des terres pour adorer. Hein? En dehors des trois mosquées, que ce soit des mosquées, ou que ce soit des terres, ou que ce soit des tombeaux autres. Donc le voyage, spécialement pour l'adoration, que ce soit une tombe, que ce soit une terre, que ce soit etc. Voilà la compréhension du hadith qui dissipe l'énorme ambiguïté que veut instaurer Al-Bouti avec son parole. Yaqoul, amma as-safar li ziyarati ar-rahim aw talab al-'ilm aw talab ar-rizq falam yadkhul fihi midlul al-hadith aslan. Et Cheikh Al-Fawzan de nous dire, quand on fait de voyager pour visiter sa famille, pour chercher la science, pour demander ça, pour chercher de la subsistance, ne rentre pas dans la signification du hadith à l'origine. La traduction de la critique 40 في صفحة 241 قال عن سبب صبر الإمام أحمد على تحمل محنة القول بخلق القرآن وإنما كان سبب المحنة التي تعرض لها الإمام دون غيره وورعه الشديد الذي منعه أن يفصل ويفرق بين اللفظ والمعنى. Et donc le Bouthi dit pour ce passage à la page 241 que la cause de la patience, de l'endurance de l'imam Ahmed à faire face à l'épreuve du fait de dire que le Coran, à cette grande épreuve qu'il y a eu à son époque, où le gouverneur voulait leur imposer le fait de dire que le Coran est écrit, il dit la cause de la mihna de l'imam Ahmed, c'est tout simplement son wara, son grand wara, qui l'a empêché de faire la séparation entre, de faire la distinction entre le sens et la formulation du Coran. فيقول الشيخ الفوزان والجواب نقول له أولا لم يكن الإمام أحمد وحده الذي تعرض لهذه المحنة بل شاركه في ذلك خلق كثير من العلماء منهم من قتل في ذلك ومنهم من عدب وأودي لكن يظهر أن الدكتور لم يقرأ التاريخ. La réplique à ceci dit Cheikh Al-Fawzan, l'imam Ahmed n'était pas le seul qui a été exposé à cette grande épreuve. Beaucoup d'autres hommes, beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes de science ont subi cette épreuve et certains parmi eux ont été tués et ont subi différentes formes de châtiments. Mais il apparaît que le docteur Bouthi n'a pas lu l'histoire. Taniyan, laysa hunaka tafriq bayna al-ma'na بين معنى القرآن ولفظه وكلاهما كلام الله منزل غير مخلوق والتفريق بينهما بأن يقال المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق هذا قول المبتدعة لا قول أهل السنة. الشيخ الفوزان de dire il n'existe pas, deuxièmement il n'existe pas de distinction entre le sens et la formulation du Coran. Tous deux c'est la parole d'Allah descendue d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas créé. Il a distingué le fait de faire la distinction entre eux, de dire que le sens n'est pas créé et que la formulation il est créé, ça c'est la parole des innovateurs et non pas la parole des gens de la sunna. Et il dit, ويقول, فالإمام أحمد لم يفرق بينهما. Et donc l'imam Ahmed n'a pas fait la distinction entre les deux. لأنه كغيره من الأئمة لا يرى فرقا بينهما ولا يعتقد عقيدة الأشاعرة. Car il est comme les autres imams de la communauté, il ne voit pas la différence entre eux, le sens et la formulation, car il n'a pas les croyances des gens, les croyances de l'أشاعرة. بارك الله فيكم. يقول التعقيب الواحد والأربعون وهو الأخير في صفحتين 256-258 استنكر الرد على كتاب الدخائر محمد لمحمد علوي المالكي وبيان ما فيه من الضلالات وقال إن محمد علوي من أهل السنة والجماعة ولم يقرأ الناس في تأليفه وكتاباته ولم يروا من واقع حاله إلا ما يزيدهم ثقة باستقامة دينه وصلاح حاله وسلامة عقيدته. Et à la 41e et la dernière critique, à la page 257 à 258, il rejette la réplique qui a été faite au livre Dhakhair al-Muhammadiyya d'un grand soufi qui s'appelle Muhammad Alawi Maliki. Et cette réplique montre les égarements qu'il y a dans ces livres, dans ce livre. Et il a dit que Mohamed Alaoui fait partie des gens de la sunna et les gens n'ont pas lu dans ses écrits que des choses qui prouvent les choses qu'ils ont lues dans les livres de l'Alawi Had al-Maliki n'ont fait qu'augmenter leur confiance en cet homme, en sa droiture, dans sa religion, en son bien, et comme quoi il a une bonne aqidah. يقول الشيخ الفوزان والجواب أن نقول له الواجب عليك أن تنظر محتويات كتب هذا الرجل وتعرضها على الكتاب والسنة وعلى عقيدة السلف لتعرف مدى مطابقتها ومخالفتها لهذه الأصول ولا تعتمد على قراءة الناس وإنما تنظر أنت على المعترض عليه مصيب أو مخطئ. الشيخ الفوزان de lui répliquer ainsi, de lui dire, nous lui disons à Cheikh Bouti, il est obligatoire pour toi que tu regardes le contenu des livres de cet homme, c'est-à-dire de Muhammad Alawi Maliki, et que le contenu, tu dois l'exposer aux livres et à la sunna, et aux croyances des pieux prédécesseurs, pour que tu saches est-ce qu'ils sont conformes ou ils sont en divergence avec les fondements. Et tu ne dois pas faire confiance et t'appuyer sur la lecture des gens. Mais tu dois regarder toi-même sur celui qui a les livres, les répliques qui ont été faites, est-ce que celui qui a fait la réplique, il est dans le vrai ou là il est dans le faux. يقول هذا ما يتطلبه الباحث المنصف الذي يحترم ما يقول ويكتب دون التهجم على من اعترض على علوي قبل معرفة وجهة اعتذاره. Il dit, c'est ce qui est demandé à quelqu'un qui fait des recherches, qui est équitable et qui fait des recherches et qui respecte ce qu'il dit, ce qu'il écrit, sans attaquer ceux qui se sont opposés à l'Alawi, à Alawi al-Maliki, avant de connaître sur quoi ils ont fait la réplique et sur quoi ils se sont opposés à ce Alawi. يقول ثم هل كون الرجل من أهل السنة والجماعة ومن أهل الاستقامة هل ذلك يمنع من الاعتراض عليه إذا كان أخطأ؟ Et il pose la question aussi. Maintenant, si l'homme il fait partie, est-ce que quand l'homme il fait partie des gens de la Sunna et des gens de la droiture, est-ce que là ça interdit le fait de ne, quand il tombe dans une erreur, de ne pas s'attaquer à l'erreur, et de ne pas s'opposer à lui et à ses erreurs? والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ainsi nous avons terminé cette réplique du Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى concernant ces énormités contre la salafia émises par Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouthi, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'a dit Cheikh حفظه الله تعالى, et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Cheikh et allons sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous fasse profiter de sa science, et qu'il fasse de nous des gens qui écoutent la bonne parole et qui la mettent en application. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.